Chacun son pain, chacun fait son beurre. On ne partage rien, à part sa mauvaise humeur. Mais il faudra bien oublier nos peurs. Si l'on veut un monde meilleur, il faut s'y mettre à plusieurs. Chacun pour soi, ça va de soi. Chacun ses bons plans, évidemment. Il faudrait faire un petit effort pour que les choses s'améliorent. Si l'on veut que la terre tremble, il faut qu'on s'y mette ensemble. Ensemble. Un plus, toi et moi. Ensemble. Ensemble. Un plus, tout le monde. L'argent fait vivre, mais ne fait pas le bonheur. C'est écrit dans les livres. Tu lis ma petite sœur. Il faudrait penser autrement qu'individuellement. Oublier la monnaie d'échange. Si l'on veut que les choses changent. Ensemble. Un plus, toi et moi. Ensemble. Ensemble. Un plus, tout le monde. C'est beau à voir quand les gens se marrent. Ça donne envie d'écouter, de se mettre à leur côté. Les autres ne sont qu'un miroir où il faut savoir se voir. Apprenons à regarder ensemble sans tarder. Ensemble. Oh yeah, yeah, yeah. Ensemble. Ensemble. En plus, tout le monde. Ensemble. En plus, toi et moi. Ensemble. En plus, toi et moi.